bouteille, le rhum, ça les zolis, ça les transparent. Dans une bouteille, il bouge pas, mais dans ton col, il fait l'effet. Un petit bouteille, le rhum, ça les zolis, ça les transparent. Dans une bouteille, il bouge pas, mais dans ton col, il fait l'effet. Moi, mais dis, bois, bois, bois, si n'a loqué à pousser porté. Bois, bois, bois, si dans ton col, il fait l'effet. Bois, bois, bois, si n'a loqué à pousser porté. Son bouteille de vin. Quand y arrive dans l'air midi, li goûte son bouteille whisky. Quand y arrive le soir, li boit son mari brisa. Mais ça que li préfère, c'est son bouteille le rhum. Un petit bouteille le rhum, ça les zoli, ça les transparent. Dans une bouteille, li bouge pas, mais dans ton col, il fait l'effet. Un petit bouteille le rhum, ça les zoli, ça les transparent. Dans une bouteille, li bouge pas, mais dans ton col, il fait l'effet. Allons boire pour nous danser, boire pour apprécier et surtout pas pour batailler. Boire pour défouler, allons boire pour nous danser, boire pour apprécier et surtout pas pour batailler. Son bouteille de vin. Quand y arrive dans l'air midi, li goûte son bouteille whisky. Quand y arrive le soir, li boit son mari brisa. Mais ça que li préfère, c'est son bouteille le rhum. Un petit bouteille le rhum, ça les zoli, ça les transparent. Dans une bouteille, li bouge pas, mais dans ton col, il fait l'effet. Un petit bouteille le rhum, ça les zoli, ça les transparent. Dans une bouteille, li bouge pas, mais dans ton col, il fait l'effet. Bois, bois, bois, c'est dans ton corps il fait l'effet. Moi, me dis, bois, bois, bois, c'est dans l'eau qu'il y a pour supporter. Bois, bois, bois, c'est...